marchons dans un asile de flou, dans une opacité qui déchaîne les cités. Et on lutte contre les coups de mou, manière de résister. S'il y a des lois, on ne peut pas tout prévoir. S'il y a des routes, rien ne vaut les chemins. Il y a des fois où tout est dérisoire, il reste le doute et demain. S'il y a des lois, on ne peut pas tout prévoir. S'il y a des routes, rien ne vaut les chemins. Il y a des fois où tout est dérisoire, il reste le doute et demain. On voit pas, on ne sait pas, on ne voit pas ce qu'il y a devant. Mais allons-y, allons-y vraiment. On voit pas, on ne sait pas, on ne voit pas ce qu'il y a devant. Mais allons-y, allons-y vraiment. Nous venons d'écouter « L'asile de flou », une pièce composée par le groupe français Les Beautés vulgaires, au style musical emprunté au ska, au rock, au reggae et un peu à la chanson française aussi. Revenons au Québec maintenant, Michel. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Michel. Oui. Marie-Christine, si je vous dis printemps 2012, ça va vous rappeler des souvenirs, n'est-ce pas? Bien sûr. Ça va rappeler beaucoup de souvenirs à plusieurs d'entre vous. Justement, chers auditeurs, justement, de quoi de mieux que de réécouter une des chansons emblématiques de cette période effervescente. Mais c'est une chanson aussi qui avait été lancée à peu près une semaine, il y a trois ans déjà, avant aujourd'hui, à l'occasion de la Journée de la Terre par mes aïeux. C'est une chanson qui rappelle la période justement de printemps 2012, une période d'effervescence, mm-hmm. où on se mettait à rêver d'un Québec différent. Il ne faudrait surtout pas que ce rêve soit s'éteigne. On l'écoute. Les oies sauvages. Elles arrivent au printemps sur les ailes du vent, par les routes de l'air. Drôle de géométrie, c'est un fil qui les lie dans leur vol angulaire. Toutes unies à la chaîne derrière loi capitaine qui connaît le chemin. Le nid originel, la toundra les appelle et guide leur instinct. Sauvage, j'entends comme un appel. Les oies sauvages du groupe Mes aïeux en hommage aux mobilisations du printemps 2012. On va partir maintenant pour une courte pause publicitaire, mais restez avec nous car juste après, on va parler de la montée de l'extrême droite en Europe avec Michel Monette. Le mouvement provoque un ralentissement du temps. CKRL est une espèce unique dans notre monde. Einstein ne pouvait pas imaginer ça. De tout temps, des milliers de mélomanes se sont donnés pour mission de vous faire découvrir de nouveaux univers musicaux et ont atteint l'ultime frontière que les autres radios n'ont jamais osé franchir. Un monde en apparence inaccessible. Au-delà de nos perceptions traditionnelles. Du 4 au 6 avril, c'est le radioton de CKRL, tourné vers l'avenir. Mathieu Dugal, Benoît Roberge, Raymond Poirier, Jean-Michel Dufault, Sébastien Benoît, Caroline and the Star Above, Olivier Bercelli, Odile Dupont, Vincent Gagnon, Laurent Patnaude, Jean-Sébastien. Il est absolument possible qu'au-delà de ce que perçoivent nos sens, se cachent des mondes insoupçonnés. Ah, ouais, mon oncle, en Europe. Voyons, gaspille pas ton argent là-dessus. Hey, j'ai une bien meilleure idée. C'est votre argent, ce sont vos droits. L'exploitation financière est la plus commune des maltraitances dont sont victimes les aînés. Et malheureusement, la plupart des actes d'abus sont commis par un membre de la famille. Contrer les abus envers les aînés, une question de dignité. Un message financé par le programme Nouveaux horizons pour les aînés du gouvernement du Canada. Après seulement 2 ans d'existence, Option nationale a ramené la question indépendantiste dans plein de milieux différents au Québec. Et ça, c'est essentiel parce que pour faire l'indépendance, il faut pas juste un gouvernement clairement souverainiste. Il faut surtout 50% plus un d'indépendantistes au Québec. Option nationale est le seul parti qui travaille concrètement et de façon totalement décomplexée à convaincre chaque jour davantage de Québécois de la logique implacable de l'indépendance. Et les résultats sont déjà là. Donne-nous donc un coup de main pour voir. Mon nom est Catherine Dorion, candidate dans Taschereau, et le 7 avril, on réveille le courant. Autorisé par Sylvain Gauthier, agent officiel de l'Option nationale pour l'indépendance du Québec. Chaque lundi, 18h30, Maison thaïlandaise est heureuse de commanditer l'émission « Les bouquins d'abord », animée par Barbel Rink. Du livre papier au livre numérique, « Les bouquins d'abord », c'est pour les bibliophiles enthousiastes en vous. Maison thaïlandaise, une cuisine savoureuse et variée, dont l'art culinaire se caractérise par son raffinement dans le choix des épices et condiments. 3 adresses pour vous accueillir. Au 3, boulevard René-Lévesque Est, à Québec, coin de Salaberry. 4307 rue Saint-Félix, dans le Vieux-Cap-Rouge. Et au 3742 avenue des Églises, à Charny. Informations et commandes en ligne sur maisonthaïlandaise.com. Les 4, 5 et 6 avril prochains, c'est le Radioton de CKRL. Ici Marco Cagliari, padrino d'honore de l'événement. Je vous invite à y participer en faisant un don ou à devenir membre. Grazie mille! De retour au grain de sable d'Attaque Québec sur les ondes de CKRL 89.1. N'oubliez pas que vous pouvez en tout temps devenir membre de CKRL et aussi faire un don en ligne en vous rendant sur notre site web ckrl.qc.ca. Un mot sur le radioton qui va avoir lieu en fin de semaine prochaine, soit les 4, 5 et 6 avril. Michel, peux-tu nous en parler oui, un petit peu? Oui, avec plaisir, avec grand plaisir, Marie-Christine. Donc, du 4 au 6 avril prochain, c'est l'incontournable radioton. Notre objectif, c'est de ramasser 40 000 $ en 3 jours. Et les auditeurs sont assez généreux, les gens qui nous écoutent, les commanditaires et tout ça. Enfin, ceux qui supportent ces carrels sont habituellement assez généreux et je suis convaincu qu'ils vont l'être autant cette année. On vise 40 000. C'est à peu près 10 % des revenus annuels de ces carrels. C'est quand même important, là, ce montant-là. C'est une belle occasion aussi pour célébrer la radio. Oui, pour montrer. Exactement, c'est ça. Pour soutenir, pour donner un coup de main, puis pour devenir membre aussi de ces carrels si vous n'êtes pas membre de ces carrels. À quel endroit vont avoir lieu le radioton? Le radioton a lieu ici, à la station. Les gens peuvent venir. Tout le fin de semaine, il y a des émissions, il y a des chaises, il y a tout ce qu'il faut. Les gens peuvent venir s'installer, regarder des gens qu'ils ne voient pas habituellement parce qu'on écoute la radio, on ne regarde pas la radio, encore. Je vous rappelle qu'on est situé juste en face des colocs sur la 3e avenue et de la boîte à pain. Pour ceux qui ne connaissent pas notre adresse, moi, je ne la connais pas par cœur, notre adresse. Ouais. Mais voilà. Puis je veux dire aux gens qui ont aussi un prix Radioton, hein, s'ils veulent peut-être courir la chance de gagner des prix, juste aller sur le site de CKRL, faire un petit don avant 17h vendredi et courir la chance de gagner des choses intéressantes. Alors maintenant, avec Michel, on va aborder la question de la montée de l'extrême droite en Europe, notamment dans le siège des élections municipales françaises qui ont eu lieu le week-end dernier. On a vu encore le progrès du Front national. C'est pour ça que le sujet est revenu sur la table. Je te laisse la parole, Michel. Oui, c'est notre ami Cédric, hein, on l'a dit tantôt, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui pour des raisons familiales, qui nous a envoyé son texte. Moi, je trouve quand même très intéressant qu'on le partage avec les auditeurs. Effectivement, si on regarde ce qui s'est produit en France, hein, si vous suivez le moindrement l'actualité ailleurs qu'au Québec, vous avez vu à l'occasion des élections du premier tour, parce qu'ils ont deux tours là-bas. Hein, mm-hmm. Ils ont un premier tour auquel tout le monde peut se présenter, puis un deuxième auquel il y a deux candidats finalement qui s'affrontent. Et on a vu une ascension de l'extrême droite en France, extrême droite incarnée par le Front national. C'est une tendance par ailleurs observable à des degrés divers, cette extrême droite, dans toute l'Europe, avec de nombreux pays où ce type de parti flirte désormais avec les 15 à 20% des voix. Que ce soit en Suisse, en Autriche, en Finlande, en Norvège. C'est un constat général qui masque mal des situations assez différentes. Pas question de relativiser la gravité là, de cette montée de l'extrême droite, de minimiser les déterminants communs bien réels. Mais il semble qu'il est tout aussi utile d'aller voir un peu plus précisément ce qui se cache derrière ces droites dites extrêmes. Droite au pluriel, donc on parle extrême. De droite au pluriel. Voilà, et non, exactement. Et non plus de la droite. Tout à fait. Et pour ça, on va partir d'un article de Jean-Yves Camus qui est paru dans le Monde diplomatique du mois de mars et qui s'intitule justement Extrême droite au pluriel, mutante en Europe. On va d'abord écouter une première pièce de Carpath avant, puis on va y aller avec. On revient après avec Monsieur Camus. Oui. Maman m'a montré un jeu quand j'étais tout petit. Tu vas voir, c'est très marrant, on va changer de pays. Chez nous, c'est pas facile, notre cabane est en bois. On va prendre un bateau, y'a pas de place pour papa. C'était très rigolo, les gens jouaient à tomber dans l'eau. Je sais qu'ils faisaient semblant, je le sais, je suis pas idiot. Maman m'a montré un jeu quand j'avais mal au ventre. Tu vas voir, c'est très marrant, on va jouer à attendre. Quand on sera arrivé, tu mangeras tous les jours. On gagnera plein d'argent pour faire venir papa un jour. De l'autre côté de la mer, on a couru sur une plage. Il y avait les sirènes de police, on s'est caché sous les branchages. Maman m'a montré un jeu, faut se trouver un abri. Tu vas voir, c'est très marrant, on va camper la nuit. Il y avait plein de gens comme nous qui jouaient à cache-cache. On s'est fait une cabane dans un tuyau avec des vaches. Et puis toute la journée, on attendait près des feux rouges. On lavait les voitures, toutes les voitures avant qu'elles bougent. Maman m'a montré un jeu, il faut se trouver de l'argent. Tu vas voir, c'est très marrant, faut t'en tendre la main aux gens. Elle rentrait pas souvent. Elle travaillait le soir. Elle se faisait très belle pour attendre sur un trottoir. Moi j'aimais pas trop ça. Quand elle montait dans les voitures avec des gars bizarres qui lui faisaient des égratignures. Maman m'a montré un jeu, faut se trouver des papiers. Tu vas voir, c'est très marrant, on va jouer à se cacher. Les flics nous ont trouvés, ils ont cogné sur nos têtes. Je savais bien que c'était qu'un jeu, alors j'ai pas fait ma mauviette. J'ai pas pleuré quand on nous a attachés dans le fond d'un avion. J'ai compris qu'on avait gagné au grand jeu de l'immigration. Et toute une chanson, Michel, que tu nous fais écouter là, sur l'immigration clandestine en Europe. Partout, et ça fait ici partie, aussi au Canada. Ça fait partie, on va y revenir, là, ça fait partie de ce qui explique la montée des extrêmes droites en Europe. C'est pour ça que j'avais choisi cette chanson. Donc, on en était à l'article de Jean-Yves Camus, un journaliste qui a écrit un article appelé « Extrême droite au pluriel mutante en Europe » qui est paru dans Le Monde diplomatique au mois de mars dernier. Alors, qu'en est-il de cet article? En fait, l'auteur y présente un condensé d'un ouvrage à paraître sur le sujet et dans lequel il cherche à dépasser les catégories fourre-tout d'extrême droite et de populisme qui ont l'inconvénient de gommer un certain nombre de différences importantes entre les tendances ou les mouvements politiques auxquels ils se réfèrent. Comme quoi, par exemple? Ben déjà, on a spontanément tendance à faire des partis d'extrême droite des continuations des fascistes du début du siècle. Je pense que quand c'est on parle d'extrême droite, souvent on entend ça. C'est pas forcément le cas dans la réalité. Surtout chez les Européens qui ont été vraiment marqués par le fascisme. Oui, donc peut-être plus en Europe qu'ici, mais encore. C'est pas forcément le cas dans la réalité, je le disais. Donc l'auteur explique que les partis qui se réclament explicitement de cet héritage sont, en tout cas pour l'instant, ultra-minoritaires. Selon lui, ça s'explique par le fait que l'époque actuelle ne prise guère ces espèces de grandes idéologies qui prônent l'avènement d'un homme nouveau, le culte du chef ou encore du parti unique. Ce qui n'empêche pas cette extrême droite à l'ancienne d'avoir encore de profondes influences idéologiques à l'heure actuelle, notamment avec sa conception ethniciste du peuple et de l'identité nationale, dont découle la double détestation de l'ennemi extérieur et intérieur, les minorités ethniques ou religieuses. D'ailleurs, il y a eu un référendum récemment en Suisse où on a carrément voté contre l'octroi du statut de la citoyenneté aux immigrants là-bas. C'était en janvier dernier. Est-ce que je me trompe? C'était en février. Néanmoins, il faut distinguer, selon l'auteur, l'extrême droite des droites radicales et populistes qui caractériseraient plutôt les mouvements récents qui gagnent en popularité en Europe. Donc, sur quoi est-ce qu'elle se base, cette différence? Bien, principalement sur leur rapport à la démocratie, ou plus exactement sur leur degré d'antagonisme avec celle-ci. En effet, pour Jean-Yves Camus, si les droites extrêmes récusent totalement la démocratie parlementaire, les droites radicales s'en accommodent plus volontiers et elles acceptent surtout d'accéder au pouvoir par la seule voie des urnes. Du coup, ça place ces deux tendances dans des positions complètement différentes au sein du système politique. Les droites extrêmes cultivent en effet leur ostracisme en tirant une part de leur force, le risque d'être complètement marginalisé de cet ostracisme, tandis que les droites radicales font plutôt le pari d'une participation plus ou moins directe au pouvoir, ce qui leur donne une plus grande influence, mais qui leur fait également courir le risque d'être assimilées au système politique dominant qu'elles prétendent pourtant vouloir combattre. Donc la différence entre l'extrême droite et la droite radicale serait son rapport avec les urnes et la démocratie, finalement, la volonté ou non d'utiliser le système pour accéder au pouvoir ou passer par d'autres moyens. Exactement, c'est ça. Et le populisme dans tout ça? Bien, ici aussi, Jean-Yves Camus invite à se méfier d'un terme utilisé à tort et à travers, principalement pour discréditer en bloc toutes les critiques, même légitimes, du système politique actuel. Dans ce contexte, parler du populisme de la droite radicale en le définissant simplement par sa position de refus du consensus idéologique libéral, c'est préparer justement le terrain à la thèse des extrêmes qui se rejoignent et qui mettent dans le même sac extrême gauche et extrême droite, au motif qu'ils veulent tous les deux transformer la société plutôt que l'aménager. Mais en oubliant que les fondements de cette transformation sont radicalement différents dans les deux cas, ethnicisme d'un côté versus universalisme de l'autre. Et puis l'auteur rappelle d'ailleurs qu'on observe bien plus un rapprochement entre droite libérale et droite radicale, dont les électorats se recouvrent de plus en plus, qu'à une union des extrêmes. En conclusion, ce serait plus à la reconfiguration des droites en Europe qu'il faudrait prêter attention qu'à la montée d'un extrémisme flou et mal défini. Donc ce serait plutôt comme si les droites libérales et la droite... En fait, la droite se radicalise. Il y a une partie de la droite qui se radicalise. Mais la montée de la droite qu'on observe, c'est pas cette droite-là. C'est pas la droite extrême, ce serait la... C'est ça. C'est la droite qui se radicalise, mais qui n'est pas nécessairement l'extrême droite au sens où on l'entendait traditionnellement d'une droite fasciste, d'une droite fascisante. C'est plutôt une droite qui mise sur le fait qu'il y a des perdants de l'ultralibéralisme. Et ces perdants-là, ben, en fait, elle est pratiquement dans son discours, quand on écoute le discours de Marine Le Pen, par exemple, on a un certain discours antilibéral, autant qu'on peut avoir un discours antilibéral à gauche. Parce que c'est des clientèles qui sont identiques. C'est des clientèles qui peuvent aussi bien voter à droite qu'à gauche, mais si elles ont un discours qui tient compte du fait qu'elles sont les grandes perdantes du jeu actuel, de mondialisation et de l'ultralibéralisme. D'accord. Ben merci Michel pour ces précisions et merci à Cédric Leterme pour avoir préparé cette chronique. On va partir en musique avec les Fatal Picards et on revient ensuite avec l'agenda progressiste de la semaine. Bonjour, je m'appelle Julien, j'ai 20 ans, je suis en première année d'histoire de l'art et je vais en cours et je fume pas non plus. Bonjour, je m'appelle Renato, je suis coiffeur et je suis pas homosexuel. Bonjour, je m'appelle Jessica, j'ai 21 ans, je suis blonde, j'ai des gros seins mais je fais pas de porno. Enfin pas encore parce que pour l'instant j'ai fait des trucs soft. Bonjour, je m'appelle Jésus, j'ai réussi, je suis assez connu mais bon, je suis un fils à papa. Bonjour, je m'appelle Dominique Strauss-Kahn et je suis de gauche. Bonjour, je m'appelle Sylvie, j'ai 32 ans et je supporte pas les magazines féminins qui proposent des horoscopes, c'est vraiment n'importe quoi. La dernière fois, elles m'ont plus conseillé un tailleur gris alors que ça me boudine, pourtant jusque-là je... On a tous des préjugés, qu'on le veuille ou non. Tous ceux qui sont pas d'accord, et ben c'est des gros cons. Et moi les gros cons, je les reconnais tout de suite au premier coup d'œil. On voit celui qui mérite, toi ça va, toi moyen et toi moins. Toi pas top, toi pas glope, toi rapproche-toi, je suis myope. Oh, bonjour, je m'appelle Mouloud, j'ai 17 ans, j'ai un scooter et je l'ai acheté à Pascal qui l'avait volé. Bonjour, je m'appelle Alain Delon et je suis menuisier et avec le temps je m'améliore dans mon métier. Bonjour, je m'appelle Steven Seagal et je travaille actuellement sur une adaptation de Brecht avec un metteur en scène moldave au TNP. Ça va s'appeler Kung Fu Master 2, All the Room de la Mort. Bonjour, je m'appelle Salomon et depuis tout petit, j'aime pas les colonies. Ah bonjour, je m'appelle Farid et quand je sors, je mets pas ma ceinture. Bah Salomon. Ah Farid, ça fait plaisir de te voir, hein, comment ça se fait que tu es là? T'as fait le mur? On a tous des préjugés, qu'on le veuille ou non. Tous ceux qui sont pas d'accord, et ben c'est des gros cons. Et moi les gros cons, je la connais tout de suite au premier coup d'œil. On voit celui qui mérite, toi ça va. Toi ça va, toi moyen, oui, toi moi. Toi pas top, toi pas glauque, toi rapproche-toi, je suis myope. Bonjour, je m'appelle Ernest Antoine et je pense qu'il est important de moins se focaliser sur les revenus financiers et de prendre en considération les employés, car ce sont eux qui constituent l'essence de l'entreprise. Enfin non, je code. Bonjour, je m'appelle Jean-Claude, je suis gardien de la paix, ma femme est blonde et on s'est abonné au Monde Diplomatique et à Charlie Hebdo parce qu'on trouvait ça important d'avoir une indépendance vis-à-vis des médias. Et puis surtout quand ça abonne en deux, on gagne un porte-clés convertisseur euro et ma femme a toujours du mal. Hein. Bonjour, je m'appelle Bobby, je suis américain et je suis capable de situer la Côte d'Ivoire sur une carte d'Europe. On a tous des préjugés, qu'on le veuille ou non. Tous ceux qui sont pas d'accord, et ben c'est des gros cons. Et moi les gros cons, je la connais tout de suite au premier coup d'œil. Moi celui qui mérite, toi ça va, toi moyen, oui, toi moins, toi pas top, toi pas grand, toi rapproche-toi, je suis bien. Bonjour, je m'appelle Vincent, et c'est un peu déprimant, Vénus en trintignant. Vois-tu ce pieu de bois auquel nous sommes tous enchaînés? Tant qu'il sera planté comme ça, nous n'aurons pas la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe, et nous aurons la liberté. Petit, ça fait déjà longtemps que je m'y écorche les mains. Et je me dis de temps en temps que je me suis battu pour rien. Il est toujours si grand, si lourd, la force vient à me manquer. Je me demande si un jour nous aurons bien la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Puis mon grand-père s'en est allé, un vent mauvais l'a emporté, et je reste seul sous le porche à regarder jouer d'autres gosses, dansant autour du vieux pieu noir où tant de mains se sont usées. Ils chantent des chansons d'espoir qui parlent de la liberté. Oh, si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. La, la, la, la, Et sur qui tombe, tombe, tombe, et nous aurons la liberté. C'était Le Pieu de Marc Robin. Michel, cette chanson-là, tu dis que c'est une chanson révolutionnaire. Oui, c'est une vieille chanson révolutionnaire. C'est la traduction d'une chanson en espagnol dont j'oublie malheureusement complètement le titre. Je vais regarder voir si je le trouverai pas d'ici la fin de l'émission. Ça pourrait être intéressant. Oui. Maintenant, on est rendu à l'agenda progressiste avec Michael Lessard du Réseau Forum social Québec-Chaudière-Appalaches qui va nous présenter différents événements intéressants à surveiller cette semaine. Bonjour, Michael. Oui, bonjour, Marie-Christine. Comment ça va? Oui, ça va super bien. Super. Donc, je te laisse la parole. Okay. Ben, d'abord, bravo pour l'émission aujourd'hui. J'ai beaucoup de musique originale. J'ai bien aimé. Je vous félicite pour ça. Et en plus, Cédric, comme toujours, nous trouve des sujets super intéressants. C'est que je dis bravo à lui aussi. Donc, on a publié 30 nouveaux événements. Si vous voulez les découvrir ou voir les détails, vous pouvez aller voir sur le média internet réseauforum.org. Le premier, c'est Vue parallèle, journée de cinéma LGBT de Québec. On entend d'ailleurs sur nos ondes, là, il y a une annonce qui joue de temps en temps qui vous y invite, justement. C'est 6 films aujourd'hui, samedi, 3 autres films demain, sur la diversité sexuelle, et ça, c'est au cinéma Quartier. Ensuite, ce lundi, on a La guerre de Webo, projection organisée par Cinéma Politica. C'est quoi Webo? En fait, c'est un documentaire au sujet de Monsieur Webo Ludwig. C'est un Albertain qui a tenu tête aux industries gazières et pétrolières. Mais c'est plus large que ça. En fait, c'est l'histoire d'une communauté qui a lutté, parfois même violemment, contre des industries pétrolières qui s'implantaient. Donc ça, c'est ce lundi 31 mars, 19h, à l'Université Laval. C'est le théâtre de poche du pavillon Maurice Pollack. Ensuite, ce samedi et demain, dimanche, Expo Manger, Santé et Vivre Vert. Vous en avez sûrement entendu parler. En plus des nombreux exposants, il y a plusieurs conférences. Ça, c'est au Centre des congrès de Québec. Mardi 1er avril, il y a un rassemblement pour le financement des groupes de défense collective des droits. Et non, ce n'est pas un poisson d'avril. Parmi les groupes communautaires, ceux qui promeuvent la défense collective des droits sont clairement sous-financés. Ont parfois un seul employé à peine ou une seule employée. Donc, si vous voulez les appuyer, c'est rendez-vous mardi à midi au ministère de l'Emploi et de la Solidarité. En fait, ça, c'est la rue Saint-Amable. C'est donc vraiment pas loin du Grand Théâtre ou à côté du Parc de l'Amérique française. Aussi mardi, mais en soirée, on a les minières canadiennes et les violations des droits humains. Donc, ça, c'est organisé... Bougez pas, etc., mon truc. Mm-hmm. Oui. Suspense. Je recommence. Roulement de tambour. Donc, mardi, pardon. Roulement de tambour. Oui. Donc, mardi en soirée, en fait, c'est plutôt le futur énergétique du Québec. C'est une table ronde organisée par les soirées Relations. Donc, on a Sylvain Archambault, biologiste de la Coalition Saint-Laurent, François L'Italien, sociologue de l'IREC, et Christian Simard de Nature Québec. Donc, mardi 19h à l'Université Laval, pavillon Charles de Coninck, local 1A, sur les énergies au Québec. Mercredi, les minières canadiennes et les violations des droits humains, organisées par Amnesty International et Développement et Paix. On a ni plus ni moins Hélène Pichette, qui est une journaliste chevronnée et reporter à Radio-Canada depuis environ 30 ans, qui a produit un documentaire qui s'appelle Les Nouveaux Conquistadors. Donc, elle sera là pour parler du comportement des minières canadiennes qui parfois violent les droits humains. Donc, mercredi, 17h, c'est-à-dire 5h de l'après-midi, à l'Université Laval, pavillon Maurice Pollack, local 2236. Je voulais terminer en vous parlant du Radioton, qui est la semaine prochaine. Mais vous en avez déjà parlé durant l'émission et on en parle beaucoup à CKRL, donc oui, c'est... je ne vais pas le redire. Mais si vous voulez, je vous suggère le média réseauforum.org, parce qu'il y a plusieurs autres événements et on le met à jour sans cesse. Excellent. Mais est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur le Radioton que Michel n'a pas dit? Oui. Ben, il y a le fait peut-être aussi qu'il va y avoir des spectacles qui vont avoir lieu live dans les locaux de CKRL avec plusieurs artistes. Au courant de la fin de semaine. Excellent. Donc, c'est vraiment un rendez-vous à partir de quelle heure le matin? Pour le Radioton, j'ai pas l'horaire exact. Je sais que ça commence vendredi. À 4 heures. Merci, Michel. Michel, d'ailleurs, tu as trouvé le nom du... Mais oui, grâce à en Internet. Espagnol. Ça me permet d'ailleurs de dire aux auditeurs en passant que c'est une raison de plus pour venir au Radioton en fin de semaine prochaine. Grâce à Zap Québec, parce qu'on a Internet sans fil ici à CKRL, grâce à Zap Québec, j'ai fouillé, j'ai trouvé. Je sais pas pourquoi, j'avais un blanc parce que cette chanson, c'est une on chanson tellement plus, célèbre. En fait, c'est l'Estaca de... En fait, le pieu, c'est la traduction d'une chanson catalane du chanteur Luis Llach, qui a été composé en 1968, qui s'appelle l'Estaca. Ça a été composé pendant la dictature du général Franco. C'est un cri à l'unité d'action pour se libérer de l'oppression, pour atteindre la liberté. Ça a d'abord été un symbole de lutte contre l'oppression franquiste en Catalogne. C'est devenu un symbole même de la lutte pour la liberté en général. C'est pas pour rien qu'elle a été reprise par Marc Robin. C'est devenu même pratiquement partie du folklore populaire en Catalogne, donc, cette chanson-là. Donc, l'Estaca, qui est la version espagnole de la traduction la chanson, qu'on vient d'entendre avant, qui s'appelait oui. Le pieu de Marc Robin. Oui. Merci, Michael, pour le calendrier et pour les explications sur le Radioton. C'est un plaisir. Bonne fin de semaine. À bientôt, à la semaine prochaine. Donc, c'est déjà la fin de notre émission. Donc, merci à toute l'équipe pour la réalisation cette semaine. David Maxime à la technique, Francis Fortier de l'IRIS, Cédric Leterme pour sa chronique mensuelle sur l'actualité politique européenne, Michel Monette à la réalisation et à l'animation, et enfin, Michael Lessard pour l'agenda du réseau Forum social Québec, Chaudière-Appalaches. Je vous rappelle que les enregistrements d'émissions sont disponibles sur le site de CKRL à ckrl.qc.ca et sur notre blog legraindesableqc.wordpress.com où vous trouverez également le lien vers nos pages sur différentes plateformes. Vous disposez donc de plusieurs possibilités pour nous faire part de vos commentaires, suggestions, opinions. Ça nous fera un plaisir de vous lire. Je vous rappelle que l'émission de samedi prochain, donc le 5 avril, n'aura pas lieu à cause du Radioton annuel, avec une belle programmation en perspective à partir de 4 heures. Et enfin, la fin de semaine suivante, le 12 avril, CKRL présente une émission spéciale en direct du Salon du Livre de Québec qui va se terminer à 1h30. Donc, le grain de sable va se poursuivre jusqu'à 14 heures. Donc, l'émission va durer une demi-heure pour le 12 avril prochain. Et comme vous, chers auditeurs, nous allons écouter avec grand intérêt cette émission. Sur ce, demeurez à l'antenne pour ce qui suit, les geeks contre-attaquent sur les ondes de CKRL 89.1, la radio qui cultive vos goûts. Téléchargez le grain de sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Salut, c'est Suzy Turcotte. J'anime Sentier secret. Les mystères de la création m'enchantent et je me donne de tout cœur à cette émission. Et je vous invite à donner généreusement à CKRL les 4, 5, 6 avril prochain. Merci. J'aimerais tellement ça pouvoir t'offrir le feu mon ralenti de ta vie avec un traitement de couleur qui brille toujours à l'infini. Au cœur du Vieux-Port, à quelques minutes du centre-ville, vous trouverez la boutique Écoauthentique. Il y a chez Écoauthentique un vaste choix de produits faits de matières recyclées, renouvelables, biologiques et équitables. Bref, des produits qui respectent la nature et les gens. Nous vous offrons également la plus grande sélection de produits du chanvre industriel à Québec. Ouvert du lundi au vendredi de 11h à 17h30 et la fin de semaine de 11h à 17h. Écoauthentique, 160 rue Saint-Paul, écoauthentique.com. Vue parallèle, les journées de cinéma LGBT de Québec. Une programmation festive et variée proposant une quinzaine de longs métrages et documentaires en provenance de 4 continents, 2 conférences et des invités de marque. I never once believed that it was wrong to be gay, that homosexuality was evil. Vue parallèle, 3e édition, du 27 au 30 mars au Cinéma Quartier. Informations et réservations, vueparallèle.org. I would give anything just to see a nice... Télé-Québec, la chaîne de télévision publique du Québec, propose, tout comme CKRL, une programmation unique qui a pour but de refléter la diversité sociale et culturelle du Québec. Elle encourage artistes et artisans dans leurs multiples réalisations. Cette année, Télé-Québec s'associe